L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver ce mercredi. Nos invités pour cette émission, l'apostrophe, l'émission, Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'apostrophe, Jean-Pierre Plondre, conseiller art plastique, qui viendra nous parler d'une exposition qui a pour titre L'amitié de l'objectif, exposition du photographe Maxime Godard. Il sera question avec Astrid de Cosson d'action culturelle et en particulier une actualité immédiate, le théâtre du présent, qui sera à l'affiche à l'apostrophe samedi 14 décembre, c'est immédiatement pour le coup. Deux autres invités, Yves Bonnen, metteur en scène, directeur de la comédie Poitou-Charentes, Centre dramatique national. Il sera sur notre antenne pour nous convier à découvrir Roméo et Juliette dans une version tout à fait singulière, dit-on en version belge, je ne vous en dis pas plus. Et dernier invité, Laurent Bazin, où il sera question du spectacle Bad Little Bubble B, j'espère avoir bien prononcé. Il sera question d'un univers tout à fait aussi singulier avec cet auteur et metteur en scène. Voilà, commençons par le commencement. Spectacle à l'affiche avec Roméo et Juliette, une interview que nous avons préalablement enregistrée auprès d'Yves Bonnen. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Nous allons parler avec vous de Roméo et Juliette, de William Shakespeare. Je serais tenté de dire qu'il s'agit toujours d'une histoire universelle, si ce n'est que vous avez souhaité lui donner une version belge. Alors il faut entendre par là l'idée d'un rapport d'amour-haine qui existe depuis des décennies entre les Flamands et les Wallons en Belgique. Pourquoi ? Alors, une version belge, pour moi, c'est un petit peu réducteur, même si j'ai pu parfois m'exprimer comme ça. Parce qu'en fait, la pièce de Shakespeare a évidemment une universalité absolument formidable, comme toutes les grandes pièces de Shakespeare, les grandes pièces du répertoire. C'est-à-dire, où qu'on les dépose, elles ont quelque chose à raconter. Je pense que ce qui peut faire aujourd'hui le point de vue, et on en a besoin, du metteur en scène, qui peut faire la singularité, la particularité d'une mise en scène, c'est de le déposer à un endroit fécond, un bon endroit. D'autres avant moi ne se sont pas privés d'imaginer cette pièce de Roméo et Juliette qui en Inde, qui au Moyen-Orient, entre Juifs et Palestiniens, ou entre en Afrique du Nord, entre Coptes et Musulmans, ou dans les pays entre Serbes et Croates, il y a moult occasions et endroits où la pièce peut rendre gorge, mais de façon très, très féconde et raconter à quel point cette chose que Shakespeare a imaginée il y a des siècles est d'une actualité confondante. Moi, je l'ai simplement mis, j'allais dire de façon très paresseuse, à l'endroit qui est celui de mes racines, puisque je suis de père flamand et de mère wallonne, et donc je suis une espèce de... En Belgique, on dit un zineke, c'est-à-dire un bâtard. C'est celui qui est riche de toutes les influences, et la Belgique est vraiment un pays de bâtards dans la mesure où les Espagnols... les Français, les Hollandais, les Allemands et tant d'autres leur sont passés dessus. C'est sa richesse et en même temps c'est sa fragilité. Ce qui fait que des voisins qui habitent vraiment côte à côte peuvent avoir au cours des siècles accumulé un grand nombre de non-dits, de malentendus et parfois de haines pour lesquels on ne sait plus très bien démêler le fil. Alors c'est intéressant, me semble-t-il, aujourd'hui, nous qui sommes régulièrement plongés dans des histoires où nous pouvons prendre feu et flamme sans trop savoir pourquoi, c'est intéressant de revoir ces grandes œuvres car elles nous permettent de prendre un petit peu de distance. Et je pense qu'on en a vraiment besoin. Alors, la distance, moi, elle me vient simplement du fait de la déposer à cet endroit. Et puis après, en Belgique, la pièce parle d'elle-même. Donc, je n'ai pas changé un mot de Shakespeare. Il s'agit pour moi de raconter la pièce de Shakespeare et non pas de raconter la situation en Belgique. Mais Shakespeare ne donne pas beaucoup d'éléments et qui explique, parce que c'est ça aussi la force de son point de vue, pourquoi deux familles, les Capulet et les Montaigu, qui sont côte à côte, se détestent à ce point. Alors voilà, il fallait trouver le point de départ. Là, il me semble que de façon universelle, c'est pas pour rien qu'on parle d'histoire belge, on peut immédiatement imaginer, sans connaître grand-chose de l'histoire de la Belgique, qu'en effet, Flamands et Wallons sont comme chien et chat, et ce mariage de la carpe et du lapin est l'un des vertus, parce que elle nous permet immédiatement de rentrer dans cette histoire, et en plus de retrouver aussi une série de choses universelles, comme les rapports entre le Nord et le Sud qu'on rencontre dans tous les pays, avec très souvent, en essayant d'éviter la caricature, des gens du Nord qui sont un peu économes, travailleurs, attachés aux valeurs, et des gens du Sud qui sont peut-être plus... comme la cigale et la fourmi, ils sont plus à profiter de la vie, plus épicuriens, peut-être plus de la nuit, alors que ceux du Nord sont plus du jour. Enfin, toutes ces sortes de choses sont à l'intérieur de la pièce, et on s'en rend compte avec la finesse de Shakespeare qu'elle se donne au fur et à mesure, et pour ça il faut juste les placer à un endroit qui me semble riche. Voilà, ça me permet aussi de raconter un bout de l'Europe. La Belgique, on le sait, c'est une espèce de laboratoire, de microcosme de l'Europe, avec en plus la capitale de l'Europe à Bruxelles. Donc, il me semble que si la Belgique n'est pas capable de sortir de ses divisions, c'est un très mauvais signe qui serait lancé à l'Europe. Et Shakespeare termine sa pièce en disant que ces deux familles se tendent la main. Voilà, alors avec un optimisme qui ne se veut pas béat, mais qui se veut vraiment optimiste par l'intelligence et par la volonté, je pense que ce sont des choses bonnes à redire. Si nous, on revient au texte, vous avez dit à ce propos que Shakespeare n'a absolument pas adopté une perspective de chercheur, d'observateur, d'un phénomène social ou d'une lutte qui a quitté les rives de la raison. Il n'y a chez lui aucun jugement. Ça, c'est effectivement l'idée que dans ce texte, il n'y a pas de parti pris de sa part. Non, parce qu'on peut trouver des raisons tant chez l'un que chez l'autre. Et c'est toujours intéressant d'essayer de rentrer dans les raisons de l'autre, parce que à un moment donné, ça nous éloigne des préjugés, et puis ça nous permet de rencontrer celui qu'on croyait être quelqu'un qui était dangereux, qui pouvait nous faire peur. Et j'aime cette phrase qui est, je crois, dans le Nouveau Testament, dans une des épîtres, qui dit « Accueille chez toi l'étranger, car ainsi, à ton insu, tu accueilleras des anges ». Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ça dans la pièce, et on peut l'entendre aussi de façon plus actuelle autour de toutes les problématiques qui nous confrontent à l'étranger, ou à celui qu'on affuble de ce mot qui est presque devenu une injure, l'étranger. Voilà, il est parfois extrêmement proche de nous, il est parfois loin ou faussement loin. Je ne sais pas, ça me ramène toujours à cette idée qu'on est quand même tous issus de l'Afrique et qu'à un moment donné, l'humanité est née sur ce continent à qui on en a fait tellement voir. Version belge, je disais tout à l'heure, sans récuser cette idée, cependant, vous avez poussé, non pas l'extrême, mais c'est le parti pris de mise en scène, d'avoir recours à des comédiens, des comédiennes, belges tous, avec certains un jeu flamand, pour les uns donc, et un jeu wallon pour les autres. Oui, alors il y a la langue et il y a le jeu. Alors je crois que ça peut vraiment intéresser, si pas amuser, mais je dis ça très positivement, les spectateurs français. Je le vois dans toutes les villes en France où nous sommes passés. C'est vrai que quittant la Belgique, j'avais une petite un questionnement, si pas une appréhension. Mais l'enthousiasme est vraiment énorme parce que, d'abord, je pense que la France a toujours jeté un regard extrêmement chaleureux et sympathique sur les cousins belges. Ensuite, c'est vrai, seulement pour se moquer. Hein. Et pas seulement pour se moquer, non. Et c'est tant les cousins francophones que les cousins flamands, parce que le nord de la France a aussi pas mal de familiarité, de choses à partager avec les flamands. Absolument. Et on retrouve un certain nombre d'expressions à Lille et plus encore dans le nord qui sont tirées du flamand, ou dans la gastronomie, ou dans les bières, enfin toutes sortes de choses qui rapprochent et qui font comprendre qu'à un moment donné, toutes ces frontières ont été extrêmement floues, elles ont tout le temps changé. Les langues sont intéressantes parce que le flamand est une belle langue rocailleuse qui est beaucoup plus proche de l'anglais que du français. Certains spectateurs français me disaient mais c'est une espèce de vieil anglais. Et c'est pas faux, les influences sont dans les deux sens entre ces deux langues. Juste, Yves Bonnen, précisons pour les auditeurs que, en effet, quand on vous parle de langues différentes, le néerlandais en particulier, c'est que c'est partie intégrante de la pièce. Mais oui, parce que quand les Capulet sont entre eux, cette famille, donc moi j'ai décidé de déposer chez des Flamands, quand ils parlent entre eux, il n'y a aucune raison qu'ils se parlent en français. Donc tout ça est évidemment surtitré, ce qui est aussi intéressant, parce que c'est parfois intéressant de lire les mots qu'on entend. Alors là, on les entend en néerlandais, évidemment, j'imagine qu'à Cergy-Pontoise, il ne doit pas y avoir énormément de gens qui possèdent le néerlandais. Non. Mais peu importe, parce qu'il y a un autre plaisir aussi, qui est parfois celui de lire les choses dans la belle traduction de Marion Bernède. Je pense qu'il y a aussi des choses qui nous parviennent qu'on n'aurait peut-être pas reçu si on ne les avait pas lues. Alors, c'est dans les deux sens. Hein. Il y a aussi, dans le fait d'être interprété, d'entendre en français des choses, on les reçoit d'une certaine manière, avec une autre richesse que si on les lisait tout seul dans sa chambre. Mais cet aller-retour entre l'édition et la vision, elle est vraiment intéressante. Puis, bon, on connaît Roméo et Juliette, on n'est pas obligé de tout le temps regarder les surtitres quand il y en a. De toute façon, il y a quand même, je dirais, deux tiers de français, un tiers de néerlandais. Mais on rentre mieux, me semble-t-il, dans ce point de vue de la pièce que nous avons construit avec toute cette troupe, grâce aussi à cette langue, qui est une langue rocailleuse, qui convient bien aux Capulet, qui sont à certains moments dans une force, dans une violence, dans quelque chose d'âpre, vraiment, et le néerlandais s'y prête parfaitement. Alors que les francophones, qui sont donc la famille des Montaigu, sont plus ces gens du sud qui se réveillent à 17h avec une poussée de testostérone alors que les autres commencent à bâiller, donc ils sont sur des rythmes différents et sont des êtres de la nuit tels que les décrit Shakespeare. Et donc ils sont beaucoup plus dans la fantasmagorie, dans la dentelle, dans la poésie, dans l'onirisme, ce sont des êtres nocturnes et le français convient parfaitement à toutes ces divagations des Montaigu, de Mercutio à Roméo et les autres. Donc le mariage des deux langues raconte déjà rien que, sans les comprendre, rien qu'en les entendant, deux musiques tellement différentes, comme si on avait mélangé, pour dire des choses un peu rapidement, les musicologues vont hurler, du Debussy et du Wagner. Et c'est ce mariage qui est intéressant. Et derrière ça, évidemment, parce que les mots qu'on prononce et la langue qu'on utilise façonnent aussi notre façon de bouger, mais je pense aussi plus profondément de penser, les corps bougent différemment. Et les Flamands ont un rapport au jeu qui n'est pas celui des francophones. Et ça, sur le plateau, c'est intéressant aussi. C'est pas la même tradition, c'est plus germanique. Alors que les Wallons, évidemment, ils sont liés à la grande école française. Autre parti pris de la pièce et de votre mise en scène, c'est le pari que vous avez fait sur la jeunesse, en particulier si Roméo et Juliette sont très jeunes. Oui, c'était important. Bon, je voulais pas leur donner 14 ans ou 15 ans comme dans la pièce, parce que je pense que c'est compliqué pour des comédiens qui auraient 14-15 ans, qui auraient exactement l'âge des rôles, en plus à des siècles de différence, c'est quand même pas tout à fait le même âge dans la tête, dans le corps et dans l'âme, mais ça peut être très troublant de jouer ce qu'on est en train de vivre. Mais en même temps, demander à des comédiens de 30 ans ou plus de jouer ça, ce qui se fait régulièrement, ça ne me semblait pas juste. Donc il fallait trouver une vraie proximité de façon à ce que les souvenirs de l'adolescence ne soient pas loin et qu'on ne passe pas l'essentiel de son temps dans une espèce de composition. Donc là, je le laisse. Ils l'ont. Après ça, ben, le travail, il était sur autre chose. Mais c'est vrai que parfois, c'est confondant d'imaginer... quand on les regarde, qu'on n'est pas loin de ce que Shakespeare nous a raconté dans cette extrême jeunesse. Et elle est importante parce qu'elle raconte à la fois, comment dire, le passage à l'âge adulte où on a envie de dire merde aux parents, cette rupture d'un lien... avec cette idée qu'on refuse tout héritage, ou en tout cas on va le revisiter, et en même temps les jeunes sont parfois porteurs, et ça c'est intéressant, il n'y a pas de caricature des vieux et des jeunes chez Shakespeare, ils sont parfois porteurs de réactions comme ça, impulsives, de haine et de rejet, que les adultes ne comprennent pas. Donc parfois ce sont eux qui sont porteurs de ces espèces de vieilles transmissions occultes de haine qui n'ont plus lieu d'être et qu'il faudrait il faut pas attendre 4 ou 7 générations pour les brûler au feu de la Saint-Jean. Au-delà du tragique, il est encore permis de ne pas désespérer du monde, c'est un peu aussi le propos de cette pièce. Autre dernière chose, autre parti pris de la mise en scène, c'est aussi la création musicale à laquelle vous avez fait appel. Oui, parce que cette pièce, je l'ai déposée en 2013, et 2013 2014. Il ne s'agit pas pour moi de raconter une histoire qui aurait l'apparence d'une histoire ancienne, parce que Shakespeare sera toujours d'avant-garde, donc les Flamands les a habillés avec quelque chose qui se rapproche de ce qu'est aujourd'hui la mode flamande, qui est une mode extrêmement riche, et les Wallons s'habillent autrement. Bon, ce sont des subtilités, mais ça se voit quand même sur le plateau, et pour continuer dans cette modernité et nourrir tout ça, avec bien sûr aussi l'humour de Shakespeare, il y a des moments qui sont inénarrables, il y a des figures, notamment Mercutio ou la nourrice, ils sont porteurs d'une force de vie à s'en péter les côtes. Mais la musique était importante, donc j'ai demandé à un groupe de rock qui s'appelle My Little Cheap Dictaphone, en anglais dans le texte, de composer un certain nombre de chansons, et ils l'ont fait en invitant aussi, ce qui était important pour moi, je dirais, politiquement, mais aussi symboliquement, une chanteuse flamande qui s'appelle Elke de Meij. Et tout ce petit monde a construit l'environnement sonore que nous avons pris, retravaillé parfois à certains moments, et qui donne, comment dire, cette langue qui peut-être est plus européenne, l'anglais, et qui nous ramène à Shakespeare, et qui n'ont pas réconcilié tout le monde, mais prend un petit peu de hauteur, ce qui est nécessaire, et c'est ce à quoi nous invite Shakespeare. Merci. Dernière chose, vous avez dit, vous avez écrit une belle chose à propos de cette pièce de Shakespeare. Cette pièce a l'odeur des fées, sa beauté est aussi maladroite que belle sa maladresse. Pas mal? Je vous remercie, vous allez me faire rougir comme un troupeau de singes. Je peux rien ajouter, je vous remercie en tout cas pour cette citation que je ne renie pas parce que je pense qu'elle est toujours juste aujourd'hui. Un grand merci Yves Bonnen. Merci à vous aussi et merci à l'équipe de CRJ que je salue, que je remercie pour sa fidélité et son accueil. Ça a été des années fondatrices pour moi d'être artiste associé en résidence longuement avec Jean-Joël Le Chaplin et toute son équipe. Je suis très heureux d'y retourner et le chemin que je vise aujourd'hui est riche de ce passé qui continue à me nourrir et je suis très heureux de vous retrouver mardi et mercredi. C'est ça, mardi 17 et mercredi 18 décembre à 20h30 à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrés à Pontoise. Merci à vous. Merci à vous aussi, au revoir. Les artistes en résidence. Avec ce Jean-Joël Le Chaplin, pour nous parler c'est bien, non seulement d'un artiste en résidence, ce Olivier Dubois, considéré parmi les 25 meilleurs danseurs au monde, l'avantage de le recevoir sur le territoire de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, c'est un honneur. Au-delà de cette considération, il va nous faire découvrir une création et chorégraphie pour 7 danseurs africains, Souls. Alors, en effet, Olivier Dubois, je ne sais pas d'où vient cette statistique du... Si, j'ai pris mes renseignements. Hein. Je n'en doute pas, mais je ne la connaissais point. Mais en tout cas, c'est tout à fait la réalité qu'une personnalité de la nature d'Olivier Dubois ne peut pas laisser indifférent et en outre révèle quelque chose d'assez exceptionnel pour un garçon qui n'avait pas eu... un parcours d'excellence, au sens où rien ne pouvait laisser supposer qu'il devienne un jour danseur et chorégraphe et directeur d'un centre chorégraphique national, comme ce sera le cas au 1er janvier prochain. Mais en effet, c'est une personnalité tout à fait forte et attachante que l'on suit depuis le début. Et comme pour ce qui concerne Yves Bonnen, nous flattons d'avoir pu sentir des potentialités fortes chez des personnalités comme ça. Pour les montrer leur travail aux spectateurs de l'agglomération et de bien au-delà. Poursuivons un instant tout de même pour en savoir davantage sur cette création et chorégraphie pour 7 danseurs africains qui sera présentée en première européenne le 10 janvier 2014, c'est début de l'année prochaine, au Théâtre des Louvrets, faut-il le préciser, à Pontoise. Alors, le propos, le sujet de cette chorégraphie, j'ai lu quelques mots à son sujet. 7 hommes de 7 pays africains qui répondent de concert à l'archaïque parole de Nijinsky, qui, comme chacun le sait, était ce fameux génie de la danse. Alors, de quelle archaïque parole s'agit-il ? Alors, l'histoire racontée par Olivier Dubois soi-même, c'est la rencontre qu'il a faite avec Germaine Aconi, qui est une très grande danseuse africaine qui a eu tout un parcours dans la danse contemporaine et qui a créé une école qui s'appelle l'École des Sables, en Afrique, dans laquelle elle invite un certain nombre d'artistes, évidemment africains, mais également des chorégraphes et danseurs français. Et donc, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle a reçu Olivier, a senti autour de lui des ondes, pourrait-on dire, un peu fortes qui entouraient cette personnalité et qui lui donnaient le sentiment que c'était un être d'exception et que donc il avait un destin particulier sur cette terre africaine. Et c'était un petit peu l'une des raisons qui ont conduit Olivier et Dubois à s'intéresser finalement à ce prochain projet qui s'appelle Souls, hein, les âmes, et que cette terminologie, enfin ce titre, illustre bien cette relation avec Germaine Hacogny, ce que représente pour beaucoup d'entre nous et ce que représente historiquement l'Afrique avec les esprits qui entraient les corps, qui entraient la nature, qui entraient les êtres d'une manière plus générale. Et donc c'est autour de cette problématique qu'il a essayé de poursuivre son projet sur la nature humaine finalement, sur l'humanité qui était déjà extrêmement présente dans son spectacle Révolution. Et là, les milliards d'hommes qu'il y a sur la Terre l'interpellent au travers des caractéristiques de ces sept interprètes africains. Alors quand on dit africain, on ne dit pas forcément noir, il n'y a pas que des africains noirs, il y a des africains blancs, et il y a toute une mosaïque dans ces sept interprètes qui représentent la diversité de la population africaine et qui constitue le spectacle qui est lié à cette évidence de l'appartenance des êtres à un même territoire, à une terre, puisqu'on est indissolublement lié à cette planète. Et le spectacle donc s'appuie sur ces courants, ces forces qui rencontrent le modèle artistique qu'il défend depuis la création de son premier spectacle. L'absolue nécessité de rencontrer l'authentique et archaïque, puisque je faisais référence à l'archaïque, parole de Nijinsky, archaïque martèlement de la terre, le danser original tel qu'on peut l'imaginer, c'est un petit peu, non ? Oui, enfin là c'est la rencontre en fait de culture avec un S, c'est-à-dire que, c'est pour ça que je parle de Germaine Hacogny, puisque en fait c'est l'idée de la terre africaine, c'est l'idée en fait du beat, de la scansion, du martèlement du sol, en effet, qui est véritablement la caractéristique, pour ne pas dire le stéréotype, de ce que peut être la danse africaine. Et puis de l'autre côté, l'élévation supposée, ou en tout cas la volonté d'élévation des êtres dans la danse contemporaine, et qui est en effet symbolisée par une personnalité comme Nijinsky, qui par ailleurs sera présent dans la saison du théâtre avec le Sacre du Printemps monté par Dominique Brun au mois d'avril. Mais on est véritablement dans cette tension que propose et que provoque dans le montage de son spectacle Olivier Dubois. Et en effet, le mot archaïque qui peut avoir des connotations péjoratives, il est quand même ce qui vient à l'esprit lorsqu'on parle d'une certaine, un certain regard sur l'Afrique. Et donc l'idée de sortir de cet archaïsme et en même temps d'y rester quand on est proche de la relation à l'art, eh bien c'est véritablement dans cette tension que travaille Olivier Dubois. Et alors on ne sait pas ce que ça va devenir, ce spectacle, évidemment, puisque nous ne l'avons pas encore vu. C'est une création. Représentation, c'est dans les jours qui viennent au théâtre Falaki au Caire. Et nous sommes heureux d'être la première européenne à Cergy-Pontoise le 10 janvier prochain. Mais on a les yeux et les oreilles et les sens tout en éveil pour recevoir sa proposition de la meilleure manière. Rendez-vous est pris pour découvrir ce spectacle, comme Jean-Joël Le Chapelain vient de le rappeler, en première européenne, le 10 janvier à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Souls de Olivier Dubois à découvrir absolument. Nous allons faire un détour en musique, avec une proposition de Jean-Joël Le Chapelain concernant une artiste qui va venir se produire au cours de la saison en cours. Et elle aussi, elle a le sens du rythme pour le coup, puisqu'on l'a même carrément surnommée la rockeuse du jazz. Alors c'est Thérèse Montcalm, en effet, qui sera dans le mur du Théâtre des Louvrets le mardi 11 mars, hein, avec un accompagnement au piano de Pierre de Bettmann, qui n'est pas un inconnu pour pour les auditeurs de RGB et les spectateurs de Sergi Pontoise, qui est donc l'artiste en résidence au théâtre. Donc c'est une heureuse convergence artistique, qui d'ailleurs, par parenthèse, n'était pas préméditée. Ça s'est trouvé comme ça et c'est très bien. À la contrebasse, Christophe Valem, à la batterie, Pierre-Alain Tocanier, et à la guitare, Jean-Sébastien Williams. Et donc c'est en effet un moment à ne pas rater non plus. Cette chanteuse absolument formidable. D'ailleurs, découvrez-la tout de suite. Thérèse Montcalm, c'est sur RGB. Do you remember a guy that's been in search of lonely song? I've heard a rumor from ground. Oh no, don't say it's true. Got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed to love. So the details following. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of Jap girls and fantasies. And I ain't got no money and I ain't got no head. But I'm hoping to kick butt the plan and it's Chloe, Owe, Owe, Owe, Owe, Owe, Owe, Owe. Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, eating an autumn low. L'action culturelle. Nous allons découvrir eh bien, avec Laurent Bazin, qui est auteur de la pièce Bad Little Bubble Bee. J'espère avoir bien prononcé. Alors, dans la traduction à la française, Bad Petite Bulle Bee, il va devoir s'expliquer sur notre antenne pour parler de ce spectacle qui sera donc présenté ce samedi 14 décembre. À l'occasion de la première édition Théâtre du Présent organisée par l'Apostrophe, la scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise. Alors, vous êtes avec nous, Laurent Bazin ? Oui, tout à fait. Bonjour. Alors, bonjour. Cette pièce, au-delà de ce titre énigmatique, un essai théâtral sur le thème de la pornographie, ai-je lu ? Donc, c'est ça. Sans raccourci, très direct. Moi, je préfère employer la nébuleuse pornographique parce que sinon, le thème, ça donnerait le sentiment qu'on fait un exposé sur la pornographie, alors que c'est pas le cas. La pornographie, c'était une espèce de plutôt de point de départ, une espèce de fantasme impossible de se dire tiens, est-ce qu'on peut traiter du truc que on vit chacun de façon très privée. Voilà, est-ce qu'on peut en faire quelque chose de commun et est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'artistique et je dis nébuleuse parce que pour nous c'est nébuleux que de temps en temps on a été au cœur de la pornographie, de temps en temps pour en parler on a été obligé de s'en éloigner, mais le cœur du réacteur ça a été effectivement la pornographie. En plus, un sujet qui dans la société est devenu tabou alors qu'il y a une déferlante de cette thématique, en particulier sur Internet aujourd'hui, en libre service. Oui, alors ça, c'est sûr d'ailleurs, ça a été un matériau qu'on a utilisé dans des situations complètement insolites, puisqu'on s'est finalement retrouvé avec les 5 comédiennes à regarder en entomologiste, c'est-à-dire comme on regarderait une collection de papillons, des sites internet, voilà, des sites porno, et à faire une sorte de recueil d'informations. Alors c'était très bizarre, puisque c'était comme un peu subvertir l'usage qu'on a de ces sites-là, qui est d'habitude effectivement qu'on vit de façon très clandestine, et là on l'a quasiment vécu comme un matériau documentaire. C'était très bizarre le changement de statut des images. Donc il y a eu tout un travail comme ça, je dirais un peu anarchique et en même temps très méthodique de recherche d'informations sur les visages de la pornographie d'aujourd'hui, d'hier, de la pensée pornographique, et c'est devenu une espèce de magma qu'on a utilisé pour ce qu'on appelle l'écriture de plateau, c'est-à-dire une invention d'un spectacle qui se fait pas en amont dans la tête d'un créateur, mais qui se fait avec ses interprètes au moment des répétitions. C'est vrai que dans le domaine artistique aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus tabou. D'ailleurs, il y a un certain nombre parfois de procès engagés dès qu'il y a à l'affiche un spectacle autour de cette thématique. Oui. Juste là où je veux en venir, c'est que j'ai déniché dans la presse quelqu'un en tout cas qui a apprécié votre travail, une interrogation courageuse, honnête et intelligente de l'imagerie sexuelle contemporaine. C'est drôle, léger, direct, sensuel, donc tout est dit presque. non, tout y est. Non, c'est vrai qu'en fait, on avait envie, on n'a pas fait le spectacle pour la provocation, ou en tout cas, nous, on s'est juste interrogé sur les limites de ce qu'on pouvait représenter, de ce qu'on pouvait raconter, et en même temps, on voulait toujours avoir une espèce de courtoisie à l'égard du spectateur, de partir de son plaisir. Voilà. Et bizarrement, alors que c'est un spectacle assez radical, les gens ne quittent pas la salle parce qu'il y a toujours quelque chose ou de drôle ou de piquant, parfois grinçant, comment dire, il y a un contrat qu'on n'a pas envie, un contrat de plaisir avec le spectateur qu'on n'a pas envie de rompre. Et donc je pense que c'est peut-être ce qui a été apprécié dans ce spectacle, c'est une certaine forme de délicatesse dans la façon d'accompagner dans les profondeurs obscures de la pornographie le spectateur sans jamais le violer. On n'est jamais dans ce rapport-là. Les lumières sont très, comment dire, accompagnantes. Elles sont avec les interprètes. Et même quand on va dans une forme d'horreur, mais que je juge même pas moralement, même quand on va dans le vice, eh ben on a essayé de trouver les chemins pour accompagner le spectateur là-dedans. Ce qui fait. Et puis l'idée, c'était de maintenir, même s'il y a de la nudité, même s'il y a des choses qui peuvent être provocantes, toujours un état d'ambiguïté qui suspend le jugement moral, dont on ne puisse pas se dire, et je suis content parce que c'est un spectacle qui a produit des jugements très très différents, mais j'étais content que les gens se disent « Ah, je n'arrive pas à trancher. Au sortir du spectacle, je ne sais plus tout à fait ce que je pense de la pornographie. » Et créer cet endroit d'indécision-là, eh ben, c'était un enjeu très important pour nous. Justement, à l'époque où on a tellement envie de juger la pornographie, de dire c'est bien, c'est mal, de prendre position, nous, notre boulot, c'est de rétablir de la complexité par rapport à cette question, et c'était l'enjeu du spectacle. Ça se vérifie dans l'écriture même de cette pièce, audacieux mélange d'obscénité et de pudeur, vous êtes sur les deux rives ? C'est ça, il y a de la pudeur parce que je crois que... Parce qu'on voit énormément d'humanité chez les interprètes et que du coup ça les protège. L'humanité qu'on arrive à faire émerger arrive à les protéger d'être simplement des objets, des femmes objets, des choses. C'est des êtres humains, il faut préciser, puisque c'est 5 femmes. Et de l'obscénité, oui, parce que le thème y est, parce que c'est l'espèce de soleil noir qui nous a magnétisés et qui nous a chamanisés, donc on pouvait pas passer à côté de l'obscénité. En même temps, parti pris des femmes, que des femmes, la pornographie serait-elle Oui. exclusivement au féminin? Non, mais c'est vrai que moi, garçon, j'ai plutôt l'habitude des discussions de cul, comme on dit, entre mecs, et il y a un truc comme ça, une espèce de clandestinité qui m'emmerdait, et je pense qui emmerde aussi les femmes par rapport à cette question. Et l'idée, ça a été de prendre à bras le corps, ensemble, indépendamment de la question justement du genre, ce thème-là. Et c'était aussi l'idée de faire un spectacle, on le savait dès le premier jour, impossible, dont on allait nous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, un mec qui met en scène cinq filles pour parler de la pornographie, c'est forcément suspect. Et ben, on s'est dit, ben tiens, de cette impossibilité-là dont on était tous très conscients, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui va sortir de ça? Et ça donne un spectacle justement impossible, donc intéressant. Mais c'était l'idée un peu de désenclaver ce sujet-là, avec les garçons qui disent oui, les filles qui disent non, ou alors, enfin voilà, c'était un très très beau moment d'intelligence, en tout cas la genèse de ce spectacle-là, d'intelligence en commun. Le rapport au public, comment il se situe le spectateur dans un rôle de voyeurisme qui pourrait être le prolongement de toute pornographie, ou est-ce que... Alors ça dépend, c'est-à-dire, c'est très paradoxal parce que bizarrement les interprètes se retrouvent nu assez vite, donc on pourrait se dire, oh là là, on est au comble du voyeurisme. Et en fait, c'est fait de façon suffisamment légère pour qu'il n'y ait absolument pas de voyeurisme. Et ensuite, à un autre moment où une interprète notamment se déshabille à peine, on a l'impression, parce que la situation qui est exposée est extrêmement noueuse, tendue et perverse, d'être voyeur. Et ce qui m'intéressait, c'était de naviguer entre différentes physiques du regard, d'un regard qui soit complètement horizontal, tranquille, égal sur les corps, un regard au contraire d'investigation coupable, au contraire de revenir à un regard très cérébral sur les choses, et j'aime beaucoup que le spectateur traverse différentes vitesses de regard, différentes approches. On n'est pas du tout, en tout cas, ce qu'on a voulu... Ce dont on a voulu sortir très vite, c'était ce que j'appellerais la dramaturgie du striptease, c'est-à-dire, putain, quand est-ce que ça va se déshabiller, quand est-ce qu'elle va enlever ça. L'idée, ce n'était pas de faire un spectacle coquin de plus, au contraire, c'était de dire, eh ben, on va commencer par la fin, et commençant par la fin, on va peut-être pouvoir commencer à penser. Ça partait aussi de l'idée d'une question que moi j'ai sur les actrices de Arm, c'est de se dire, comment ces femmes qui font... de profession de ce qui est pour nous la fin, le plus grand retrait de l'âme, de l'intimité, comment est-ce qu'elles arrivent à partir de cette nudité intégrale, absolue, à se refaire une peau, à re-socialiser leur peau. Et en fait, je me suis dit, ben tiens, qu'est-ce qui se passe si on commence par ça, la nudité, pour ensuite revêtir, mais revêtir de sens et revêtir aussi de vêtements, revêtir ces êtres humains. C'était un peu le trajet. Donc le spectateur va être parfois voyeur, possiblement, parfois dans un empathique, camarade, peut-être même parfois, j'en sais rien, fraternel. On va lui proposer au long du spectacle un trajet pour son regard, une sorte de mutation du regard. Un spectacle qui ne doit pas forcément faire l'unanimité, parce que dès qu'on aborde ces sujets, je disais au début de mon propos que ça crée un certain nombre de protestations d'un certain nombre d'une société bien pensante qui voudrait que ces sujets ne soient pas bien présents sur une scène Alors, de théâtre. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu quelques grincements de dents. Il y a eu quelques grincements de dents au départ, surtout en voyant le sujet. Et puis c'est pareil, en voyant le sujet, la distribution, là, on s'est dit oh là là, c'est encore de la provocation. Et en fait, j'ai l'impression, j'espère, qu'il y a dans le spectacle quelque chose au sein même. Il y a une sorte d'antidote contre la pruderie ou la pudeur. J'espère qu'on essaie de mettre suffisamment de beauté dans les choses pour qu'elles se défendent d'elles-mêmes. Mais c'est vrai que ça n'a pas été, il n'y a pas eu consensus. Je sais qu'on a eu, grâce à ce spectacle, un prix assez prestigieux qui s'appelle le prix du Festival Impatience. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on est programmé à Cergy. Et je sais que les batailles ont été âpres au sein du jury, parce qu'il y a des gens qui nous ont détestés, qui ont dit, mais c'est pas bien. Moi, j'ai même un directeur de théâtre qui m'a dit récemment, alors que c'est pareil, où on devait être programmé dans un autre grand festival qui m'a dit, et qu'il y avait plein de gens qui étaient favorables au projet, qui m'a dit, vous savez, je me suis battu pour que vous ne soyez pas programmé. Parce que c'est très très mal ce que vous faites. Mais c'était pas un mal esthétique, hein, c'était pas au sens où c'est laid, c'était moral, c'était une attaque morale. Alors je trouve ça intéressant parce que nous on n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal, on a l'impression de faire quelque chose de très bien, de faire œuvre d'intelligence commune, mais oui, ça peut produire des réactions assez virulentes. Voilà, et je pense que c'est des réactions qui procèdent beaucoup du procès d'intention. C'est-à-dire que ce qui est moins jugé, c'est ce qui est vu, que ce qu'on suppose qui serait derrière ce qui est vu. Voilà. Alors qu'en fait, il y a eu des réactions assez vives sur le sujet, sur la façon d'en traiter. Ben nous, on assume le spectre de ces incompréhensions. Là aussi, il y a aussi des gens qui disent enfin. Merci. Enfin voilà, je sais pas. C'est drôle parce qu'il y a eu, il y a même pas de clivage dans les. Je saurais pas lire quelles sont les lignes de clivage qu'il y a dans la réception des spectateurs parce que c'est ni des questions de sexualité, est-ce que les gens sont hétérosexuels, homosexuels, féministes, pas féministes, etc. Je n'entends que des choses totalement contradictoires sur ce spectacle. Voilà. Donc j'espère que on gardera cette même force de contradiction quand on sera à Cergy. Ultime question, je parlais d'un titre énigmatique, Bad Little Bubble Bass. Oui. Alors, pourquoi ? Alors ça, le truc, c'est qu'il y a plein d'histoires. C'est comme dans le Dark Knight, Joker, qui a toujours des explications sur l'origine de ses cicatrices. Il y en a plusieurs. Comment raconter les plus avouables ? D'abord, c'était l'idée de faire un spectacle qui se fasse, qui dont la genèse soit sous forme de bulles, en fait. C'est des petites bulles qui des petites bulles de sens, des petites bulles d'invention, et pas une grande trame chapitrée avec un chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et une narration tenue. Il y en a une autre qui est peut-être plus, ouais, je sais pas. Il y a un truc, c'est que il y a une catégorie un peu ludique de comment dire, pornographie qui s'appelle les bubble butts. C'est-à-dire les gros curons comme des bulles, voilà. Et je trouvais qu'il y avait dans cette expression-là peut-être quelque chose de pop qui était intéressant par rapport à l'objet. Voilà, en technicolor qu'on voulait faire. Et puis après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intimes et d'explications sur ce B. Voilà, mais je n'irai pas plus loin. Et puis si l'idée quand même, de toute façon, ce petit jeu d'allitération et d'assonance, c'était aussi de dire qu'on peut en faire quelque chose qui n'est pas forcément grave et moraliste, et que ça pouvait être quelque chose de ludique de s'attarder sur ce genre de sujet-là au théâtre. Merci Laurent Bazins, merci pour cet échange. Nous allons, c'est bien, aller découvrir ce spectacle à l'affiche, à l'apostrophe, au Théâtre des Arts à Cergy, bien samedi 14 décembre à 20h30 en ce qui concerne la programmation de votre spectacle. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Revenons en studio avec Astrid Cosson, pour nous parler de cette journée, de cette première édition Théâtre du Présent à l'affiche de l'apostrophe, samedi 14 décembre, une journée qui s'est faite en lien avec le comité de lecture de l'apostrophe. C'est bien cela ? Tout à fait, oui. On vous propose donc pour la première fois une journée pour découvrir ensemble les problématiques de l'écriture théâtrale contemporaine. En fait, la genèse de ce projet remonte à la création du comité de lecture qui œuvre au sein de l'apostrophe depuis 3 saisons. Et donc une vingtaine de spectateurs lisent tout au long de l'année des textes d'auteurs d'aujourd'hui. Et ça les chamboule, ça les perturbe, les débats entre eux sont vifs, tant les textes lus peuvent dérouter leur perception et notre perception de ce que doit être un texte de théâtre aujourd'hui. À la fin de l'année dernière, était devenu presque vital, en fait, le fait de rendre compte et de faire entendre à d'autres spectateurs que les 20 privilégiés du comité de lecture ce qui se dira peut-être au théâtre demain. Voilà, donc ça c'est un petit peu la genèse du projet. Avec donc une journée qui va se dérouler en trois temps, ce texte, ce coup de cœur du comité de lecture à 15h. Quel est ce coup de cœur pour cette édition ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, le comité de lecture, par saison, élit un lauréat, mais il y a aussi de nombreux textes qui les animent. Et Justin, qui sera donc lu à 15h samedi, Justin de Sabine Revillet, est un coup de cœur, véritable coup de cœur du comité de lecture, car c'est une épopée qui résonne tel un slam. La ponctuation en est abolie, le ton est extrêmement loufoque, la musicalité de la langue est très très forte, au point même que le personnage central de la pièce, qui est Justin, qui est un violeur incontrôlable, en devient presque humain. C'est une véritable road story qui n'est pas sans rappeler en fait un peu un système de BD ou une verve à la San Antonio. Voilà, donc c'est un vrai coup de cœur d'écriture en fait. Là, avec une découverte de ce texte sous la forme d'une lecture à table, 17h, eh bien, on passe à une étape suivante. Une fois qu'on a sélectionné un texte, on a envie de le mettre en espace avant la mise en scène finale. À 17h, un autre texte à découvrir sous la forme d'une mise en espace par des comédiens professionnels, du texte de Christine Vanacker, « Tout est bon ». Tout à fait. Donc là, c'est véritablement le lauréat de la saison dernière que l'on met en lumière. Effectivement, la concrétisation entre un texte envoyé à la scène nationale pour qu'il soit lu et que les gens puissent en donner un ressenti. Et enfin, la mise sur le plateau de ce texte donc par Jean-Paul Rouvray. Et c'est donc le texte de Tout est bon, de Christine Vanacker. L'auteur sera d'ailleurs présente samedi 14 décembre. Et ce texte, en fait, traite de la déshumanisation de l'homme au sein de l'entreprise, et là donc on est dans la manipulation, le formatage, voilà, la facture du texte est plus classique, mais son efficacité est extrêmement forte. Troisième temps, on en a parlé largement avec Laurent Bazin, c'est la pièce Bad Little Bubble Bass que nous proposons aux auditeurs d'aller découvrir à l'occasion de cette journée. Première édition Théâtre du Présence, qui s'inscrit aussi dans le cadre d'un partenariat avec d'autres théâtres, ai-je lu, en région parisienne, dans le cadre de la cinquième édition d'Impatience. On parlait tout à l'heure, il y a un instant, du Festival Impatience. Jean-Joël Le Chaplin, deux mots sur ce sur cette collaboration, sur cette résonance, cette mise en résonance. Qui a été créée par le journal Télérama, d'abord initialement avec l'Odéon Théâtre de l'Europe, et depuis deux années avec le 104 à Paris, qui avec le Théâtre du Rond-Point, en quelque sorte remplacé, si je puis dire, le Théâtre de l'Odéon dans ce partenariat avec Télérama. Et ces trois partenaires ont eu la bonne idée de vouloir associer un certain nombre d'autres partenaires, dont le Centre culturel de Tremblay en France et votre serviteur avec la scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise, qui donc, nous a permis de voir, je ne sais plus combien, c'est 10 ou 15 spectacles sur 3 jours, l'année dernière au mois de mai. Et un jury dont nous faisions partie a sélectionné eh bien, finalement le lauréat qui est donc Bad Little Bubble Bee. Et donc nous sommes heureux de participer à ce projet qui a pour objectif en effet de mettre en évidence, dans ce terme, le terme impatience évoque véritablement ce que ça sous-tend, c'est-à-dire le désir pour beaucoup de découvrir, mais aussi le désir pour beaucoup de jeunes gens de faire et de proposer des spectacles tout à fait nouveaux dans le panorama de notre environnement culturel. Et l'interview tout de suite avec Laurent Bazin illustre bien cette approche tout à fait nouvelle que l'on peut avoir du théâtre aujourd'hui sur nos scènes et on s'en réjouit. Première édition Théâtre du Présent, eh bien c'est ce samedi 14 décembre à partir de 15h à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, centre préfecture pour ceux qui voudraient quelques repères. C'est l'heure pour nous, c'est bien de partager la sélection musicale de Jean-Pierre Plundre. Quelle sera cette sélection musicale, Jean-Pierre ? Je crois qu'on a choisi une mazurka de Chopin. Thank you. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. À suivre, une exposition, c'est bien à découvrir à l'apostrophe dans quelques jours, avec, dont pour en parler Jean-Pierre Plondre, l'exposition « L'amitié de l'objectif » de Maxime Godard, un photographe, mais bien plus qu'un photographe, oserais-je dire, puisque il a effectivement peut-être, au-delà d'une technique, il a un rapport à la photographie qui lui est particulier. Alors oui, à mon avis, Maxime Godard, si on parle de la photographie de Maxime Godard, on doit peut-être un petit peu mettre de côté la technique. Mmh. Parce que au fond, Maxime s'attache plutôt à la prise de vue et sans trucage. Il travaille avec un Leica, il se met un petit peu maintenant au numérique, mais disons qu'il ne privilégie pas du tout l'aspect technique de la photographie, il ne retouche pas ses photos. Hein, maintenant, tout le monde, au fond, peut faire de la photographie avec un numérique et puis s'improviser photographe en retouchant d'une certaine manière sur Photoshop toutes sortes de... Mais tout ça, c'est de l'artifice. Et Maxime reste attaché à photographier les gens, à faire des portraits. Et beaucoup de portraits d'écrivains, d'artistes, d'acteurs, de musiciens. Avec, alors sans parler de technique justement, mais il a une approche que nombre de photographes aimeraient arriver à traduire dans l'acte de photographier, mais n'y parviennent pas toujours, c'est d'avoir une délicate intrusion dans l'intimité de ceux qui vont bien être portraitisés pour le coup. Voilà, en fait on avait intitulé l'exposition « L'amitié de l'objectif » parce que la plupart des modèles que photographie Maxime Godard sont devenus ses amis au fil des rencontres et au fil du temps. Et il s'est attaché, par exemple, à photographier de nombreuses fois des milliers de clichés de Michel Butor depuis une trentaine d'années. Qu'il a rencontré Michel Butor, il le suit comme ça dans des voyages ou à son domicile, dans ses conférences, etc. Et au fond, il a... Alors là, avec Michel Butor, c'est plutôt, c'est vraiment une amitié très très proche. Maintenant, avec d'autres photographes, ça peut être plus épisodique, mais il y a toujours ce rapport d'amitié avec le modèle. C'est-à-dire qu'en général, Maxime ne travaille pas du tout sur commande. Il photographie les gens qu'il admire par rapport à une pratique artistique. Beaucoup d'écrivains, parce que c'est aussi un grand lecteur de poésie et de littérature. Et voilà, ça n'est pas du tout un photographe qui se force à photographier les gens pour en faire un commerce, entre guillemets. C'est plutôt une relation d'amitié qui attire le photographe à venir... agir. Dans la restitution de ce travail, de son approche de la photographie telle qu'on vient d'en parler, ça se traduit sous quel format, petit, grand format ? Alors justement, c'est ce qui m'avait paru intéressant, c'est-à-dire que Maxime travaille encore en argentique, donc il tire lui-même ses photos dans son labo, même dans sa cuisine, et il y a d'ailleurs une petite vidéo lors de l'exposition qui sera projetée où on le voit développer une photographie quoi, à l'ancienne. Et moi, ce qui me paraissait intéressant, en général, ce sont des tirages argentiques qui sont des moyens formats, 30-40, etc. Et moi, ce qui me paraissait intéressant, c'était d'utiliser un petit peu, parce que comme il s'est mis au numérique, de faire des agrandissements. Donc d'avoir cette possibilité-là. Pour lui, c'était aussi une façon de le mettre un peu en défi, de proposer des photographies pour des grands tirages numériques. Et donc dans l'exposition, il y aura des bâches, des tirages numériques qui feront 1,75 m sur 130. Mais on a pris le parti, enfin c'est plutôt lui qui a pris ce parti, d'agrandir et de ne pas du tout trafiquer sa photographie. Il part d'un petit format, un 13-18, et on l'agrandit comme ça. Voilà. L'exposition « L'amitié de l'objectif », c'est à découvrir au Théâtre des Louvrains, à Pontoise, exposition du 17 décembre au 11 mars 2014, avec une rencontre avec l'artiste, je crois savoir. Alors, Maxime Godard, bien sûr, sera présent et il répondra... Présent le mardi 17. Présent le mardi 17. 17 décembre. Et il répondra aux questions d'Astrid Cosson. avec donc une rencontre qui sera partagée avec le public qui participera sur vernissage de cette exposition, donc à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise, mardi 17 décembre à 18h30, Astrid. Tout à fait, oui. Et on attend les questions aussi des spectateurs. Elles ne manqueront pas, ces questions, assurément. Il est temps pour nous de dire juste deux, trois mots, mais bref, les mots. Jean-Joël Le Chaplain, concernant le festival périphérique qui pointe à l'horizon dès le début de l'année 2014, du 7 janvier au 17 février, sur différentes villes du département du Val-d'Oise, et en particulier ici, à Cergy-Pontoise. Oui, enfin, c'est notre rendez-vous là, annuel depuis... Eh bien, une décennie maintenant, hein, ce festival des arts mêlés vous permettra de rencontrer des œuvres et des artistes qui sont dans la tradition dévoyée, disons, autrement dit dans le décalage, comme par exemple Alain Mauger, quand il fait de la musique sur l'aurore, le film mythique, c'est une forme de décalage, mais comme le fait aussi Philippe Ken, le tout nouveau à partir de janvier, directeur du Théâtre des Amandiers de Nanterre, que nous recevons dans l'Effet de Serge, ou encore l'équipe de Frappadingue des Chiens de Navarre, qui, dans leur opus de « Nous ne vieillirons pas ensemble », et dire que nous ne vieillirons pas ensemble, ou quelque chose du genre, et qui est une espèce de variation sur l'œuvre de Piala. Bon, quelques titres comme ça pour indiquer le parcours que nous allons proposer, enfin que nous proposons aux spectateurs, et qui passe aussi par Raphaël Boitel dans son premier spectacle de cirque, après avoir fait un long parcours avec Camille. Et bien, Raphaël s'engage dans la composition et la conception d'un spectacle, et puis il y en a bien d'autres, à Beson et à Gonesse, nos partenaires de fidélité depuis une dizaine d'années. Je pense que nous en parlerons certainement dans notre prochaine édition de l'apostrophe l'émission. Je l'espère. Il est temps pour nous de refermer ce magazine mensuel. Ce remerciement à nos invités Yves Bonnen, Laurent Bazin, Jean-Pierre Plundre, Astrid Cosson et Jean-Joël Le Chaplain pour avoir participé à cette émission. Remerciement à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Jérôme Lotelier qui l'a brillamment réalisé. Cette émission animée par votre serviteur et animateur José Guérin sera rediffusée ce samedi 14 décembre de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, mais aussi sur internet en simultané, en streaming sur radio-rgb.net, et disponible ensuite en podcast sur le site de votre radio locale. Pour le prochain numéro de l'apostrophe, l'émission, rendez-vous est donné à vous tous pour le mercredi 8 janvier de 19 à 20h. D'ici là, joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An à vous tous, ici en studio comme ceux qui sont sur les ondes. Bonsoir. Merci également. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2.